La ville de Saint-Félicien a mercredi soir, lundi soir plutôt, a déposé un projet pour vraiment peut-être réorienter et reconstruire le centre de ski de Toboski. Et question de savoir un peu comment que on va procéder. On va parler avec le maire de Saint-Félicien-les-Gibbons. Bon après-midi, Luc. Bon après-midi. Luc, si on parlait un peu de ce projet-là, ça fait, donc c'est un projet qui pourrait coûter 8 millions de dollars, c'est ça? Oui, en fait, pour résumer, là, le projet pour Saint-Vicien, c'est-à-dire fait suite à une réflexion stratégique de développement qui a été réalisée en 2019. Okay. La ville veut positionner ce site comme une station plein air familiale 4 saisons. Okay. Et le projet en fait consiste à une réfection majeure du bâtiment d'accueil, oui. Un nouveau garage, l'agrandissement du stationnement, le remplacement aussi de la remontée mécanique, des améliorations au système d'enneigement artificiel, l'éclairage des pentes, aussi le système de communication puis l'amélioration des sentiers de vélo de montagne. Donc, vous comme vous le dites si bien, c'est un projet global de 8 millions et il est admissible à une aide de 2/3 d'un programme gouvernemental. Ouais. Et puis, pour terminer, le programme permet la réalisation des travaux jusqu'en 2026. OK. Donc, vous commenceriez quand, à peu près, si tout va comme prévu? La première étape, c'est d'avoir la subvention. Okay. À la minute qu'on a la subvention, après ça, on va établir une séquence de travaux en considérant les plus pressants et ensuite en y allant avec aussi notre capacité de payer. Donc, okay. on s'attend d'étaler la réfection de notre Toboski sur quelques années. Parce que là, ça a commencé, le Toboski, ça va vraiment bien. Vous êtes vraiment en feu là, depuis quelques années. Là. Depuis que c'est Martin Demers et son équipe qui accueillent les Coupes de Québec de vélo de montagne, accueille également, il y a des compétitions de ski également. Le Toboski, c'est très dynamique. Donc, ça vaut à peine vraiment d'investir. Là. Oui, effectivement. Le fat bike, la raquette, on a des pistes de ski de fond. C'est vraiment familial, 4 saisons. Et initialement parlant, c'est le Toboski, c'est un centre de ski. Mais aujourd'hui, vous voyez, c'est 4 saisons et avec l'avenue d'un quartier résidentiel sur le haut de la montagne, ben il y a du monde, je pourrais vous dire, toute l'année. OK. Si on parlait, donc ce que vous avez fait lundi soir, c'est vraiment d'enclencher le processus, d'enclencher le dossier, autrement dit, là. Oui, c'est vraiment la première étape, c'est faire la demande au ministère concerné. OK. Est-ce que vous avez bon espoir que ça va fonctionner? Oui, moi je pense que j'ai bon espoir. J'ai parlé à notre député qui, elle, attend le dépôt de cette demande-là et par la suite, elle m'a confirmé qu'elle allait travailler pour que la ville de Saint-Vicien ait sa subvention. OK. Donc, c'est évidemment, c'est une enveloppe. Est-ce que c'est une enveloppe dans le cadre du tourisme ou... Parce que non, c'est l'amélioration c'est l'amélioration des infrastructures sportives et récréatives. Ah, OK, OK. Dites-moi, si on parlait maintenant, en terminant, Saint-Félicien, vous êtes quand même avec Kraft Hockeyville, vous êtes quand même bien positionné. Oui. Vraiment, la ville est dynamique de cet incite. Oui, écoutez, les gens sont mobilisés dans quelques semaines. En fait, là, puis il y avait une belle équipe de bénévoles. Donc, aujourd'hui, on est rendu, on avait un objectif de 1000 inscriptions et histoires et tout ça. Et actuellement, on est plus de 1500. Donc, notre objectif est vraiment atteint. On est très heureux de l'implication, oui, du comité, mais surtout de la mobilisation des citoyens chez nous. Ben, effectivement. Ben, Luc Gibbons, un gros, gros merci. Au plaisir de se parler. À la prochaine. Bye-bye tout le monde. Saint-Félicien, Luc Gibbons.